Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Les obsèques de Valéry Giscard d'Estaing auront lieu samedi dans la plus stricte intimité, intimité familiale, et une journée de deuil est prévue, de deuil national pour mercredi. Nous allons aujourd'hui dans le cours de l'histoire nous intéresser au président Giscard, Giscard face à l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Non, Valéry Giscard d'Estaing n'a pas été le plus jeune président de notre histoire. Et pas simplement parce que depuis Emmanuel Macron a été élu à l'âge de 39 ans. Allez, refaisons les calculs. Valéry Giscard d'Estaing est né en 1926. Il devient président de la République en 1974. Il avait donc 48 ans. Déjà, là, il ne bat pas le record de celui qui est le premier président de la République française élu au suffrage universel, alors uniquement masculin, Louis-Napoléon Bonaparte, en 1848. Il s'agissait alors de la Seconde République. Louis-Napoléon Bonaparte avait 40 ans. Valéry Giscard d'Estaing donc était jusqu'en 2017 le plus jeune président de la 5e République. C'est déjà pas mal, mais surtout, il n'a pas été que cela, loin de là. Le changement dans la continuité, une formule qu'il a fait sienne, le passé, le présent, le futur. Quel était le rapport de Giscard à l'histoire ? Arnaud Benedetti, bonjour. Arnaud Benedetti, vous êtes avec nous, rédacteur en chef de la revue Histoire, revue politique et parlementaire. Alors Arnaud Benedetti est avec nous. Oui, vous m'entendez Arnaud Benedetti ? Oui, très bien. Voilà, formidable. Écoute, je rappelais que vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et qu'en avril dernier, vous avez mené avec Éric Anceau, l'historien Éric Anceau, un entretien avec Valéry Giscard d'Estaing. Dites-nous, cet entretien, avec quel objectif, quel but ? C'était dans un numéro particulier consacré au général de Gaulle. Oui, c'était un numéro consacré au général de Gaulle dans cette année 2020 qui commémore trois dates importantes concernant le général de Gaulle. Et ce qui nous intéressait, c'est d'avoir le témoignage de celui qui était le dernier grand ministre encore vivant du général de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, puisqu'il avait été d'abord secrétaire d'État à l'économie en 1959 du général de Gaulle, puis plus tard ministre de l'économie et des finances. L'idée, c'était bien évidemment de recueillir son témoignage, de recueillir ses souvenirs, mais aussi surtout de comprendre la relation qui avait été la sienne au général de Gaulle, une relation dont on disait qu'elle avait été parfois, disons, complexe. Et tout au long de cet entretien, finalement, Valéry Giscard d'Estaing a essayé de montrer plutôt les complémentarités qui étaient les siennes avec le général, en essayant vraisemblablement de rejeter un certain nombre de critiques qui avaient pu être émises sur, disons, sa relation avec le général de Gaulle. On avait là quelqu'un qui, d'abord, a été très libre durant tout l'entretien. C'était un entretien d'une heure et demie que nous avons réalisé par téléphone parce que c'était en pleine période de confinement. Il s'est exprimé de manière très décontractée, très décomplexée, abordant le sujet dans le détail, relatant un certain nombre d'anecdotes sur sa relation avec de Gaulle et essayant encore une fois toujours d'insister sur les points d'accord tout en ne niant pas un certain nombre de divergences qui ont pu être les siennes avec le général de Gaulle durant toutes ces années. La référence au général de Gaulle peut avoir un sens historique et il le dit sans cesse, hein, ça c'est une des citations de Valéry Giscard d'Estaing dans cet entretien, il dit sans cesse qu'il n'a jamais été contre le général de Gaulle, avec cette liberté de parole évidente de Valéry Giscard d'Estaing qui porte son propre regard sur un passé maintenant assez lointain. Il n'y a plus autant d'engagement. Malgré tout, il y a un changement évident de cette patine du temps qui est essentielle. Mais cette liberté se voit aussi dans les coulisses. Hein. C'est vrai que de manière poli et traditionnel, il est possible de faire relire au président de la République son propre entretien. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, Arnaud Benedetti ? Écoutez, on lui a tout simplement proposé, bien évidemment, ce que l'on fait d'ailleurs traditionnellement dans la revue politique et parlementaire, de relire le verbatim. Nous lui avons transmis et il nous a dit qu'il ne souhaitait pas le relire. Il a fait quelques corrections de ponctuation, mais vraiment extrêmement minimes, ce qui démontre qu'il était dans un exercice de très grande liberté quant à la relation à sa mémoire et et à la mémoire de cette époque. Encore une fois, c'est un président qui a voulu, durant cet entretien, je crois que c'était ça qui était très important, insister sur le fait que sa vision n'était pas opposée à celle du général de Gaulle, et même d'ailleurs en fin d'entretien, lorsque on l'interroge sur l'évolution de l'Europe, il considère vraisemblablement, alors c'est un pari bien évidemment qu'il fait, qui comme tous les paris reste forcément aléatoire, que le général de Gaulle aujourd'hui serait plutôt un partisan d'une évolution, dit-il, de l'Europe dans un sens d'une plus grande intégration. Alors bien évidemment, on voit qu'il y a là récemment une projection, qui est une projection de ses propres convictions sur ce qui était éventuellement le positionnement du général de Gaulle, mais encore une fois, c'était vraiment le fil directeur de cet entretien, c'était d'essayer pour Valéry Giscard d'Estaing de montrer qu'il n'y avait pas de contradiction fondamentale entre ses propres convictions et celles du général de Gaulle, contrairement parfois, en effet, à une histoire qui tend à essayer de montrer que finalement, Valéry Giscard d'Estaing et le général de Gaulle, ce sont deux visions fondamentalement différentes de la France. Et puis avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Patrick Garcia, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université de Cergy-Pontoise, chercheur à l'Institut d'Histoire du Temps Présent, spécialiste des usages publics de l'histoire. Patrick Garcia, Valéry Giscard d'Estaing aujourd'hui porte un regard particulier sur sa relation avec le général de Gaulle, mais bien entendu, il était possible de faire une confrontation avec ce qui se passait à ce moment-là, les mémoires des gens, leurs jugements sur eux-mêmes varient au cours du temps. Avec Valéry Giscard d'Estaing, il y a cette question du rapport à l'histoire, et vous avez livré un article, Valéry Giscard d'Estaing, La modernité et l'histoire, c'est un des chapitres de l'ouvrage Un politique du passé, coordonné par Daniel Tartakovsky, Claire Andrieux et Marie-Claire Lavabre. Dites-nous, Patrick Garcia, vous dites qu'en fait, le regard de Valéry Giscard d'Estaing se portait davantage vers le futur que vers le passé. Oui, absolument. Je voudrais peut-être revenir juste sur la question précédente, puisque quand j'avais rencontré Valéry Giscard d'Estaing pour un livre en préparation, hein, il m'avait dit « Je suis le dernier président gaulliste ». Et je crois qu'on a là des effets quand même qui sont des effets d'après-coup. Il faut quand même revenir à la séquence où Valéry Giscard d'Estaing pose sa candidature et devient président de la République. Et là, on a des effets de décalage, hein, peut-être à prendre en compte. Toujours est-il que sur la question de l'histoire, effectivement, là, il y a une vraie rupture avec la tradition gaulliste ou gaullienne, mais aussi avec son successeur François Mitterrand. Donc, en fait, il y a une rupture avec une certaine conception de l'histoire. Hein. Traditionnellement, l'histoire est conçue comme une ressource, hein, quelque chose qui va permettre d'affronter le futur, alors que chez Giscard et chez les Giscardiens, elle apparaît plus de l'ordre du fardeau, de l'ordre de ce qui peut empêcher l'avenir d'advenir, et donc il y a un regard un peu, circonspect par rapport à l'histoire. Alors ça ne veut pas dire que Giscard ne fait aucun geste de commémoration, hein, mais c'est un geste discret. On aura l'occasion d'y revenir, il y a la suppression de la commémoration du 8 mai, on est là face à une attitude qui est un peu particulière où la question essentielle c'est la question du futur, hein. Et je dirais plutôt que l'histoire c'est les sciences sociales qui sont mises en avant, hein. Jean-Pierre Soisson disait de Valéry Giscard d'Estaing que c'était un président sociologue. Voilà, président sociologue, mais qui est obligé parfois de faire de l'histoire. Alors, en tant que président, bien sûr, il y a les commémorations, il y a les allusions à l'histoire, mais elles ne sont pas nombreuses avec Valéry Giscard d'Estaing. Et puis, il y a sa propre histoire. Et oui, au moment de se présenter pour être président de la République, c'est Valéry Giscard d'Estaing lui-même qui se présente. Il se présente aux Français. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Il est toujours difficile de parler de soi, et pourtant, il faut le faire pour vous dire qui est ce candidat à la présidence de la République que je suis. Je suis né le 2 février 1926. J'ai 48 ans. Mes quatre grands-parents sont enterrés dans le canton de Saint-Amand-Talande, dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne. J'ai fait mes études d'abord au lycée Janson, ensuite au lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand, puis sous l'occupation à Paris, à Louis-le-Grand. J'ai participé comme lycéen à la résistance. J'avais un rôle subalterne qui consistait à transporter des journaux clandestins, puis des armes. Je prépare à la libération de Paris dans un des PC de la libération de Paris, rue Séguier, dans le 6e arrondissement. Valéry Giscard d'Estaing qui se présente en avril 1974 aux Français. Arnaud Benedetti, vous êtes professeur associé en histoire de la communication à l'Université Paris-Sorbonne. Vous êtes l'auteur de Le coup de com' permanent. Et avec Valéry Giscard d'Estaing, il y a un objet d'étude magnifique. Nous parlions de 1974 et de la campagne présidentielle. Pensons simplement à l'affiche de Giscard. Là, nous avons une vraie rupture, une volonté de montrer le changement. Le changement, c'est une formule adoptée par Giscard. Oui, c'est la fameuse formule du changement dans la continuité qui a été la baseline de sa campagne électorale de 1974. Valéry Giscard d'Estaing est un homme qui est percuté par la communication politique parce que on a beaucoup dit qu'il révolutionnait la communication politique. Alors c'est vrai que en tant que président de la République, il y a une rupture évidente entre ses prédécesseurs, qu'il s'agisse du général de Gaulle ou de Georges Pompidou. Quoique déjà avec Georges Pompidou, on avait eu un premier infléchissement, notamment dans l'utilisation de la ressource de la vie privée. Georges Pompidou n'hésitait pas à s'afficher avec son épouse sur un certain nombre de couvertures de la presse populaire. Valéry Giscard d'Estaing, lui, utilise la communication politique ou le marketing politique comme un moyen de se rapprocher des Français. Mais il n'est pas le premier à le faire. Il faut se souvenir que le premier à l'avoir fait, c'est Jean Le Canuet, en 1965, avec un publicitaire, homme de communication, qui est l'homme qui a d'ailleurs introduit la communication politique en France, le marketing plutôt politique, qui est Michel Bongrand. Et d'ailleurs, Michel Bongrand sera l'un des conseillers de Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing considère que on est dans une société où la relation de proximité va permettre vraisemblablement, d'une certaine manière, de désacraliser l'exercice du pouvoir. Il a été profondément marqué par ce qui s'est passé en 1968. Et d'ailleurs, dès 1969, au moment où il se pose la question qui va l'effleurer de savoir s'il doit être ou non candidat la présidence de la République, et il va apporter son soutien à Georges Pompidou, il fait réaliser une affiche de soutien à Georges Pompidou. Et ce qui est intéressant, c'est le brief qu'il fait à ce moment-là pour l'agence de publicité à laquelle il commande cette affiche. Je vous le lis, je prends quelques secondes pour vous lire le brief qu'il fait et qui, à mon avis, caractérise bien la façon dont il conçoit sa relation à la politique et la façon dont il souhaite concevoir la construction de son image. Le brief, je l'ai sous les yeux, voilà ce qu'il écrit. Il dit « J'ai 42 ans, je suis libéral, plus libéral que gaulliste, je suis sincèrement européen. J'ai envisagé un moment de me présenter moi-même à ces élections présidentielles. Aujourd'hui, cela me paraît prématuré. J'aurai 49 ans en 1976. Georges Pompidou est mon candidat, car j'estime qu'il est le mieux préparé à assumer à l'heure actuelle les fonctions de président de la République. J'estime aussi pouvoir défendre auprès de lui avec efficacité mes options politiques. La clientèle, écrit-il entre guillemets, que je désire sensibiliser au cours de cette campagne, n'est pas celle des républicains indépendants classiques, que je peux espérer acquise, mais essentiellement celle des jeunes et celle des femmes. Leur vote immédiat m'intéresse évidemment, mais surtout l'image que, à travers cette campagne, ils se feront de mon personnage, disons que j'aimerais leur apparaître comme le Kennedy français. » Donc on voit que dès la fin des années 60, il a une conception très précise de la façon dont il souhaite se présenter à l'opinion publique. Parce que, encore une fois, il considère que le pouvoir ne peut plus s'exercer dans sa représentation comme il s'exerçait avec le général de Gaulle ou même avec Georges Pompidou. Et donc, de ce point de vue-là, il introduit en tout cas une première rupture dans les codes de la communication politique en France. Il n'est pas étonnant aussi que ce soit le courant politique auquel il appartient, c'est-à-dire cette droite réformiste, plutôt européenne, libérale, atlantiste, qui finalement utilise ces nouvelles techniques de communication qui sont nées, faut-il le rappeler quand même, pour la plupart aux États-Unis. Et il y a un dernier point sur lequel je voudrais insister, parce que ça montre bien cette filiation qu'il souhaite installer, tout au moins dans cette pratique avec Kennedy, c'est que il fera venir durant son septennat en France pendant quelques mois celui qui a été l'un des plus proches conseillers de Kennedy en matière d'image, qui est Joseph Napolitan. Joseph Napolitan, c'est un grand consultant politique américain qui a prêté ses services à Kennedy et qui est d'ailleurs celui qui a inspiré à Kennedy l'idée de mettre en scène sa vie privée. Donc on voit que Giscard s'inscrit véritablement dans cette filiation, dans cette volonté d'utiliser une communication politique qui banalise le rôle du président de la République. Et ce qui est très intéressant, à mon sens, et ce qui fait un peu écho à sa conviction politique, c'est que quand même ce qui caractérise Valéry Giscard d'Estaing dans sa relation à la France, c'est, contrairement au général de Gaulle, de considérer que la France est devenue une puissance moyenne. Et donc il y a, d'une certaine manière, qui se font écho, cette banalisation qu'il a du rôle de la France, de la mission de la France, du poids de la France dans la scène internationale, et cette banalisation finalement d'un chef d'État qui n'est plus, d'une certaine manière, que le chef d'État d'une puissance moyenne. Et à partir de là, le chef d'État, peut-être de cette puissance moyenne, ne peut plus finalement se représenter de la même manière que le président d'un État dont on considère que le rayonnement va au-delà du poids économique, démographique, politique. C'est une question de représentation, en effet, avec cette notion complexe de représentation. Vous nous avez bien dit, Arnaud Benedetti, l'attention portée par Valéry Giscard d'Estaing sur ceux qui peuvent voter pour lui, notamment les jeunes et les femmes, pour ce nouveau Kennedy, ce Kennedy français. C'est un peu ce que vous expliquez, Patrick Garcia, ce recours aux sciences sociales, l'intérêt porté sur les sciences sociales, comprendre le pays. Mais malgré tout, l'histoire a son importance, car dans cette volonté d'être en rupture, il faut maîtriser quelle est cette rupture, avec quoi l'on doit rompre. Et il a analysé le monde, il le connaît par cœur, parce qu'en fait, il est issu de ce monde, celui de la France à papa, de la France du général de Gaulle. Oui, c'est-à-dire que il y a un vrai effort de réfléchir, quoi. Il y a l'idée d'ancrer la politique sur une analyse de la société telle qu'elle est. Hein, d'où là le recours aux sciences sociales, d'où d'ailleurs le souci de la démographie. Ça revient de façon récurrente sous la plume de Valéry Giscard d'Estaing. Les projections démographiques, le poids futur de la France, le poids futur de l'Europe dans le monde. Donc il y a une espèce effectivement là d'obsession de la prospective. Et c'est au nom de cette obsession de la prospective ou cette volonté de préparer le futur, que d'une certaine manière on veut se débarrasser de l'histoire. Alors, ça ne veut pas dire que Valéry Giscard d'Estaing n'est pas issu de ce monde, comme vous le dites très bien, il l'est, il en vient, il le connaît, mais on n'est pas là dans quelque chose qui est de l'itinéraire individuel, c'est la place qu'on attribue à l'histoire. Est-ce qu'on va considérer que c'est quelque chose qui et source d'enseignement, une ressource qu'on va rappeler. Bon, pensez par exemple au discours d'Emmanuel Macron parlant des valeurs de la résistance, ou François Hollande tirant des leçons au Panthéon sur les valeurs de la résistance par rapport à la conjoncture, ou bien on met ça un peu de côté et on essaie d'être, je dirais, entre guillemets, plus scientifique, hein, au risque de moins incarner le pays. Et là, il y a une question qui s'est jouée de façon très très importante pour Giscard, qui était sa capacité à incarner complètement en 81, François Furet dit que Giscard a été victime d'un déficit d'incarnation, et il voit cela à la fois dans la rupture rituelle dont il a été question, et aussi dans ce rapport à l'histoire. Donc, vous voyez, on est dans des éléments hein, qui sont des éléments de regard, comment on ajuste. Hein. Et ça va se trouver notamment par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, Giscard est revenu là-dessus très régulièrement dans ses entretiens, hein, le sentiment que les commémorations de la Seconde Guerre mondiale, c'était du toc, hein, que c'était des commémorations de gens qui se félicitaient de gestes qu'ils n'avaient pas effectués, et que la dernière grande victoire des Français, hein, c'était la Première Guerre mondiale, et qu'il fallait rompre avec un rituel qui, en définitive, n'était pas justifié. Oui, quand Valéry Giscard d'Estaing décide de mettre fin à cette commémoration du 8 mai 1945 et fin au jour férié, ça a toujours son importance hein, pour les polémiques à la fin du jour férié, nous sommes là au cœur d'une réflexion sur ce qu'est l'histoire par un président qui incarne une fonction. L'incarnation, ce n'est pas rien. Quand les institutions, elles, sont porteuses d'histoire, attention, 1974, cérémonie d'investiture. C'est M. Roger Frey, président du Conseil constitutionnel, qui va lire le procès-verbal de l'élection. La mission qui vous est confiée est tracée par l'histoire. Celle-ci nous enseigne en effet que le bonheur des Français est inséparable de la grandeur de la France. Que notre pays soit juste et fort, que notre démocratie soit exemplaire, tel est le souhait de la nation. Au moment où commence l'œuvre que vous allez entreprendre pour le bien de notre peuple. C'est maintenant la signature du procès-verbal de la cérémonie. À ces secondes précises, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing est installé 20e président de la République française, 3e président de la 5e République. C'est maintenant que doivent commencer à partir les 21 coups de canon tirés des berges de la Seine par le régiment d'artillerie de Melun. Ces 21 coups de canon annonceront aux Parisiens que le président de la République française est maintenant, à cette seconde, M. Valéry Giscard d'Estaing. Coup de canon le 27 mai 1974 sur l'ORTF. Arnaud Benedetti, il y a ce contraste saisissant entre la campagne de Valéry Giscard d'Estaing, cette volonté de montrer une forme de jeunesse, une écoute, et puis les institutions de la Ve République, mais soyons plus larges, de la République elle-même, qui sont pesantes, qui portent une histoire. Ce contraste est difficile pour vous, spécialiste de la communication, vous allez nous dire, pour Valéry Giscard d'Estaing, comment jouer de ces deux tableaux ? C'est vrai que finalement, alors d'abord, le mandat de Valéry Giscard d'Estaing n'est pas un mandat homogène. On voit que, en tout cas dans les premiers pas du mandat, il y a cette volonté d'ouverture, cette volonté de modernisation, parce que tout simplement il est lui-même le produit d'une histoire, et qu'il a compris qu'il y avait un certain nombre d'aspirations qui, au sein de la société française et des sociétés occidentales, venaient d'une certaine manière un peu percuter cette représentation sacrale du pouvoir. Il le fait aussi parce qu'il a conscience que l'élection qui est la sienne, qui est une élection, faut-il le rappeler, à 400 000 voix, il l'emporte d'extrême justesse face à François Mitterrand, nécessite qu'il élargisse vraisemblablement sa base. Cette volonté chez Giscard, toujours, de s'adresser d'ailleurs plus à la société qu'à la France. C'est quelqu'un d'ailleurs qui théorisera l'idée de société libérale avancée, il faut s'en souvenir. Il part plus à la société qu'à la France. Et ça, là-dessus, il y a une différence, me semble-t-il, assez forte avec le général de Gaulle, qui lui, bien évidemment, parlait à la France, parlait aux Françaises et aux Français. Le général de Gaulle, le Valéry Giscard d'Estaing, lui, a une autre conception. D'où cette volonté d'ouverture en permanence à un certain nombre de segments de la société, les jeunes, les femmes, comme on l'a rappelé, qui lui paraissent être des cibles qu'il faut conquérir et ramener dans son giron politique. On voit bien que dans les premiers pas qui sont les siens dans le mandat, il essaye de se départir de cette représentation sacrale du pouvoir. Et il suffit d'ailleurs de regarder la photo officielle du président de la République. Il est le premier président de la République, de la Ve République, à poser en costume de ville. Donc rompons avec un peu la tradition des redingotes engoncées de ses prédécesseurs. Il est le président de la République qui va remonter les Champs-Élysées à pied. Il est le président de la République qui, quelques mois plus tard, s'invitera chez les Françaises et les Français à dîner pour entretenir un dialogue de proximité avec ces derniers. Ce qui d'ailleurs ne manquera pas parfois aussi de susciter une forme de scepticisme, voire parfois d'ironie, notamment de la part d'un certain nombre d'humoristes durant les années 70. Ça, c'est toute la première partie du mandat. Mais la seconde partie du mandat, c'est-à-dire qu'à partir de 1977, on retient aujourd'hui beaucoup dans les hommages que l'on entend cette volonté de moderniser. C'est vrai qu'il a eu cette volonté-là. Mais à partir de 77, au fur et à mesure que le mandat se fait de plus en plus difficile, en raison de la crise économique, en raison des difficultés qu'il rencontre à l'intérieur de sa propre majorité avec un allié gaulliste qui est de plus en plus en rupture avec sa politique, on a un retour sur les fondamentaux finalement de la représentation. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a toute une critique à l'époque qui se répand dans la classe politique, chez ses opposants, voire parfois même chez certains de ses alliés, et dans la presse, sur finalement un pouvoir qui se monarchise à nouveau. Et il y a, par exemple, un certain nombre de caricatures qui circulent à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing représenté en Louis XV. C'est très intéressant d'ailleurs la référence à Louis XV, ce roi commence comme un roi bien-aimé et qui devient finalement un roi mal-aimé au cours de son règne. Donc, Giscard d'Estaing, dans la seconde partie du mandat, retrouve d'une certaine façon, finalement, les fondamentaux de cette représentation politique sacrale. Il est, disons, un peu moins moderne, en tout cas, cette volonté de modernisation s'infléchit considérablement parce que tout simplement le mandat se durcit. Le mandat se durcit et puis c'est sûr que l'image que Valéry Giscard d'Estaing a voulu imposer, mais nous le voyons sans cesse, Valéry Giscard d'Estaing qui va manger avec les Français, qui reçoit les éboueurs, le Valéry Giscard d'Estaing qui joue de l'accordéon, qui discute avec Yvette Horner, tout ça font partie aujourd'hui de la mémoire collective. En 1974, les Françaises ont pu vivre ce moment, cette élection de Valéry Giscard d'Estaing comme une rupture. Et d'ailleurs, qu'écoutait-on en 1974 à la radio? Bien, écoutez, dans le studio, la pendule me dit qu'il est 9h34, mais la pendule de l'entrée, elle, s'est arrêtée sur midi. La pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi, à ce moment très précis où tu m'as dit je vais partir. Et puis tu es parti, j'ai cherché le repos, j'ai vécu comme un robot, mais aucune autre n'est venue remonter ma vie. Là où tu vas, tu entendras, j'en suis sûr, dans d'autres voix qui rassurent mes mots d'amour. Tu te prendras au jeu des passions qu'on jure, mais tu verras d'aventure le grand amour. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. L'amour c'est comme un refrain, ça vous glisse entre les mains. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Ça vous fait un cœur tout neuf, ça vous accroche des ailes blanches. Claude François qui chante sa chanson populaire, tube de 1974 dans le cours de l'histoire sur France Culture, réalisé par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Baptiste Lénard. Nous nous intéressons à Valéry Giscard d'Estaing, un président face à l'histoire. Patrick Garcia, nous entendons cette chanson populaire. Valéry Giscard d'Estaing a beaucoup joué de cette modernité. Pourtant, d'autres phrases sont restées, notamment celle de l'homme du passé. Et dans l'étude que vous pouvez faire d'un discours, un discours politique, un débat, le débat en 1974, Giscard-Mitterrand, vous notez que Giscard prononce une seule fois le mot histoire contre 10 fois pour Mitterrand. Il y a cette tension permanente, l'histoire est présente, mais comme enjeu politique, Giscard doit montrer qu'il n'est pas l'homme du passé. Oui, absolument, ça va être... C'est un peu ce que j'essayais de dire, c'est-à-dire que pour Mitterrand, Mitterrand inscrit son action dans l'histoire. Il se présente en continuateur. Et donc, pour lui, c'est une valeur positive. Et d'ailleurs, c'est tellement positif que qu'est-ce que c'est qu'en définitive que le geste de 81 d'aller au Panthéon, sinon de dire qu'on reprend l'histoire, on continue l'histoire. On honore les grandes figures, dans la ligne desquelles on s'inscrit. Il n'y a pas ce type d'action chez Giscard. Mais en même temps, ce qui est remarquable, c'est que ça n'induit pas de la part de Valéry Giscard d'Estaing une espèce de distance par rapport au roman national, une distance critique. Ce qui est frappant, c'est que l'histoire de Valéry Giscard d'Estaing est aussi une histoire sans remords. Vous savez, on est en 74, 78, on est dans des moments où commence à revenir la mémoire de Vichy, où il y a eu le film Le Chagrin et la Pitié, français si vous saviez. Giscard est le premier président français à se rendre, le second, mais le premier à prendre la parole à Auschwitz. De Gaulle était allé à Auschwitz. Et quand il est interrogé par le quotidien Haaretz, que dit-il ? Par contre, quand je suis allé à Auschwitz, j'ai éprouvé une très profonde émotion en pensant aux victimes, et non pas, au contraire, en éprouvant un sentiment de responsabilité collective, et ceci grâce au ciel et à la tradition de la France. Donc, une France innocente, on n'est pas là dans un pas de côté critique, et d'ailleurs, Giscard sera très critique à l'égard du geste de Jacques Chirac de reconnaissance de la responsabilité de la France dans le génocide. De ce point de vue-là, il y a une volonté de préserver un certain nombre d'éléments. Donc on est effectivement dans quelque chose qui est à mi-chemin dans ce rapport à l'histoire qui est à la fois peu mobilisé, mais en même temps, ça n'ouvre pas, ça ne débouche pas sur une critique. Et on pourrait y revenir à travers la question des commémorations, si vous le voulez. Bien sûr, non, mais on peut y revenir, et c'est nécessaire d'y revenir dans cette lecture que peut faire Valéry Giscard d'Estaing de son mandat. Et c'est vrai qu'il a été aussi critique en 1994, quand François Mitterrand a autorisé des soldats allemands à défiler le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Dans cette histoire de Valéry Giscard d'Estaing, en fait, il y a ce qu'on appelle, mettons des énormes guillemets, mais le roman national, une continuité de l'histoire qui nous conduit des Gaulois jusqu'à aujourd'hui en passant par Vercingétorix et la Révolution française. En fait, Valéry Giscard d'Estaing ne rejette rien, ne met rien en avant. Cette histoire est là, ce n'est pas une histoire qui lui pose souci. Il n'est pas de ceux qui utilisent l'histoire à des fins politiques, pas plus qu'il n'en faut. Il va être aux cérémonies de Jeanne d'Arc, il va faire ces choses-là, mais il ne met pas cela en avant, Patrick Garcia. Ah bah absolument. Là, voilà, c'est pas une ressource de premier choix pour lui. Il a un peu le sentiment qu'au contraire, c'est quelque chose qui est handicapant. Ce qui est très significatif, c'est ce qui se passe avec la commémoration du 8 mai 45. En 75, il y a bien une commémoration. Et à partir de là, Giscard écrit aux dirigeants européens, je cite, « Chacun de nous conservera les souvenirs qui sont les siens et honorera ceux auxquels l'hommage est dû. Mais il est temps d'ouvrir la voie de l'avenir et de tourner ensemble nos pensées vers ce qui nous rapproche et ce qui peut nous unir. » En d'autres termes, commémorer la Seconde Guerre mondiale, c'est empêcher la venue de l'Europe. De la même façon, il a cette même vision par rapport à la lutte de classe. Entretenir le souvenir, un certain type de souvenir de l'histoire de France, c'est entretenir la division des Français et ne pas leur permettre de se préparer à l'avenir. Donc, il a cette phrase très très forte lors des vœux de 75, si je ne m'abuse, je cite de mémoire, il ne faut pas se laisser affecter par les rhumatismes de l'histoire. L'histoire comme rhumatisme. Et vous voyez, là on est vraiment dans quelque chose où l'histoire est handicap, et d'ailleurs, ça va se traduire par un geste commémoratif très faible. Il ne fait entrer personne au Panthéon. Hein. Il y pense en fin de mandat, hein, avec la figure de René Cassin. Mais c'est très largement en réponse à ce qui, au sentiment qui serait antisémite. Il veut faire rentrer un juif français au Panthéon. Et il signe le décret en avril 81. Hein, juste avant sa défaite, pour faire plaisir, hein, satisfaire les cercles de résistants et qui ont été affectés par la suppression de la commémoration du 8 mai. Hein. Donc là, on est dans cette idée, en définitive, que, et là, il reste fidèle à cela, l'idée que la commémoration serait un geste en quelque sorte périmé, hein, un geste qui ne serait pas conforme à une présidence moderne. Oui, un regard intéressant porté sur l'action de Valéry Giscard d'Estaing, en tout cas son économie politique, son lien avec l'histoire. C'est sûr que Valéry Giscard d'Estaing n'utilise pas l'histoire comme a pu le faire François Mitterrand ou Emmanuel Macron. Cependant, il est porteur, ne serait-ce que par son nom, Valéry Giscard d'Estaing, ne serait-ce que par son phrasé, d'un regard... Enfin, on dit de lui que il est monarque, c'est ce que vous nous avez expliqué Arnaud Benedetti. Tout est ausculté et dès lors, effectivement, effectivement, les humoristes s'en moquent. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, madame. Ah. Bonsoir, mademoiselle. Ah bon. Bonsoir, monsieur. Alors. Je suis venu au nom du gouvernement et mon persuadé pour répondre aux questions nombreuses que vous êtes en droit de vous poser. Alors. Je vous écoute. Mon président, d'abord, si ma première question vous embête, on peut tout de suite passer à la deuxième. Bon, là, on commence par la première question. Commençons donc par la question qui brûle les lèvres de tous les Français depuis la magnifique prestation de la majorité aux élections municipales. Oui ou non, mon président, y aura-t-il des élections législatives anticipées ? Je serai catégorique sur ce sujet. Je me suis cipé, ne m'a rien fait. Je ne sais pas pourquoi je provoquerai des élections contre lui. Oui, donc pas d'élection anti-machin. Non. Pas d'élection anticipée, Thierry Leluron, Pierre Desproges en 1977 pour les entretiens au coin du feu. Arnaud Benedetti, il y a aussi cela, il y a ce phrasé, ce nom, cette posture aussi, Valéry Giscard d'Estaing est porteur d'une histoire, il est lu ainsi, et notamment par ses opposants communistes entre autres, ou socialistes. Est-ce que dans la communication de Giscard, pour essayer de comprendre son retrait de... tout ce qui est question d'histoire, pour essayer de comprendre sa volonté de se montrer populaire, est-ce que il ne faut pas prendre en compte qui il est lui-même ? Oui, il a un habitus, comme aurait dit Pierre Bourdieu en l'occurrence, c'est-à-dire qu'il vient d'un milieu social, il vient d'un milieu qui apparaît en effet parfois très éloigné des classes moyennes et des classes populaires. Ce qu'il faut bien noter aussi, c'est que il est dans une France où les classes moyennes sont de plus en plus importantes et où il faut qu'il soit en mesure de leur parler. Et donc, il va utiliser la communication politique, encore une fois, pour essayer de créer un lien qui lui permette d'être entendu et d'être audible en direction de nos compatriotes. Mais sur le rapport à l'histoire, je voudrais dire un mot qui me paraît important, c'est que Giscard assume l'histoire, mais il l'euphémise. Et en effet, ce qui est important pour lui, en l'occurrence, c'est l'avenir. Et il a une représentation de l'histoire qui est une représentation de l'histoire finalement assez optimiste, ce que lui reprochera d'ailleurs Raymond Aron, qui considère que il a oublié la dimension tragique de l'histoire. Et il voit dans la mondialisation qui est en marche, dans ces années-là, plutôt une chance pour la société française, et il essaye d'en écarter les difficultés. Il ne veut pas en voir dans la mondialisation ce que la mondialisation va finalement aussi créer comme difficulté, comme problème à cette société française pour s'adapter. Donc cette représentation de l'histoire, elle est toute, me semble-t-il, travaillée par une vision assez optimiste de l'avenir. Alors, bien évidemment, sa communication s'en ressent. Il est tout à fait conscient que il a vraisemblablement une distance qui est liée à son éducation, à sa socialisation par rapport à la plupart des Français. Et donc, justement, pour mettre pour infléchir cette distance, il s'efforce toujours plus de normaliser sa façon d'être, pour montrer qu'il est finalement, quelle que soit sa trajectoire, quelle que soit son éducation, quelle que soit sa socialisation, quelles que soient ses responsabilités, un Français comme un autre. La réalité, c'est que il se heurte parfois au scepticisme, et ce scepticisme, il est parfaitement illustré par l'extrait que nous venons d'entendre, où Pierre Desproges et Thierry Leluron sont dans notre cœur joie pour se moquer finalement de cette façon d'être, de la représentation finalement qui est la sienne aussi dans une partie de l'opinion publique, c'est-à-dire un président de la République qui est quand même un président de la République qui n'est pas tout à fait du même monde que nous, en l'occurrence. Et je crois que ça a été le drame finalement de tout son mandat, c'est d'essayer quelque part d'apporter la démonstration de sa bonne foi. Et il l'a fait parfois par une communication qui est apparue, en effet, comme une communication un peu surjouée. Il utilise beaucoup la communication, mais en effet, en l'utilisant beaucoup, parfois, il finit par créer un sentiment de hiatus, voire de malaise, par rapport à cette surutilisation de l'instrument de communication, comme facteur aussi de légitimation du pouvoir. Parce que je crois qu'il y a quelque chose de très important dans la façon dont Valéry Giscard d'Estaing construit sa relation aux Français, c'est que c'est quelqu'un qui, on a dit que c'était un président sociologue, entre guillemets, très, très, très féru, en tout cas d'utilisation des sciences sociales, c'est quelqu'un qui va généraliser, par exemple, à l'Élysée, à partir de 1974, en faisant venir notamment un communicant, Bernard Rideau, l'utilisation des sondages pour prendre le pouls de la société française. Alors ça s'était fait déjà avant, même du temps du général de Gaulle, mais là, ça devient systématique. Donc, il a toujours cette volonté de ne pas être en décalage avec la société. Peut-être parce qu'il a aussi vécu mai 68 et il a vu ce qu'était le décalage, finalement, d'un monarque avec une société qui est en pleine évolution. Et puis, dans cette communication, le mot « toujours » est important parce que dans l'entretien qu'il vous a accordé, que Valéry Giscard d'Estaing a accordé à la revue politique et parlementaire, Arnaud Benedetti, vous lui demandez son rôle, sa manière de voir sur le retour de l'équilibre budgétaire. Ce qu'il faut rappeler, que les finances sont la passion de Valéry Giscard d'Estaing. Il était ministre des Finances du général de Gaulle et pendant sa présidence, il a porté une grande attention aux finances. Et il vous répond, j'adore sa réponse, hein. Il vous répond, c'était une période intéressante et très constructive de la politique budgétaire française que nous n'avions pas connue avant et que nous n'avons pas retrouvé souvent depuis 1981. Donc en gros, il dit, avant moi, ça ne marchait pas, après moi, ça n'a plus jamais marché. Il y a un ego aussi très fort et une communication qui fonctionne très bien quand il s'agit de relire sa propre histoire. Ah, totalement. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il montre sur cet aspect de la question budgétaire qu'il a le soutien plein et entier du général de Gaulle, mais que par contre, il n'a pas le soutien de son premier ministre, Georges Pompidou. Vous notez que dans l'entretien, d'ailleurs, il dit de toute façon, oh, Georges Pompidou, finalement, les questions budgétaires, il en était très éloigné. C'était un banquier, donc il avait l'habitude, finalement, de recourir au crédit et à l'emprunt, en l'occurrence, et il était beaucoup plus réservé sur la nécessité de mener une politique d'équilibre budgétaire. Oui, en effet, il revient toujours sur sa propre expérience dans cette interview, dans cet entretien, et ce qu'il y a de finalement assez, à la fois, j'allais dire peut-être parfois cocasse même dans cet entretien, et de très intéressant sur finalement la relation qui a été la sienne avec sa vie politique, et notamment sa vie politique durant les années 70, c'est que il explique aussi que les gaullistes historiques étaient avec lui. Il le dit, on lui pose la question avec Éric Anceau à un moment donné, finalement, dans la relation que vous avez eue avec Jacques Chirac, la relation difficile, conflictuelle, si l'on vous suit, on constate que ceux qui étaient les vrais compagnons du général de Gaulle vous étaient favorables. Et il nous répond par l'affirmative en l'occurrence. Et cet entretien est aussi un entretien où il essaye, à travers l'évocation de la mémoire du général de Gaulle, finalement, de justifier après coup, a posteriori, toute son action et aussi d'essayer d'expliquer les déboires qui ont été les siens dans la vie politique qui a été la sienne et notamment lors de son exercice du mandat présidentiel entre 1974 et 1981. Et puis la défaite en 1981, avec la mémoire qui demeure, Patrick Garcia, que reste-t-il dans la marque urbaine qu'il peut y avoir d'un président de Valéry Giscard d'Estaing? Alors, il y a le musée d'Orsay en 1977, la construction des archives nationales aussi, il faut le rappeler, 1977, mais étonnamment, ce n'est pas relié directement dans l'imaginaire collectif à Valéry Giscard d'Estaing. Oui, absolument. Il s'est mis à pleuvoir chez vous, peut-être, voilà, Patrick Garcia. Exactement. C'est même de la grêle. C'est de la grêle. Je suis désolé. Mais non, il n'y a pas effectivement de... Son nom n'est pas attaché à ces lieux qui ont été inaugurés après. Mais rappelons quand même que, puisqu'on parlait de l'histoire, à la fois ce geste, je disais, d'une histoire sans remords, mais en même temps, l'ouverture vers les historiens. Hein, et je voudrais quand même rappeler que c'est sous Giscard qu'a lieu la grande loi sur les archives qui va permettre consulter pour la première fois les archives de Vichy et donc d'ouvrir un terrain à la recherche historique, de la même façon que c'est à ce moment-là que l'Institut d'histoire du temps présent est créé par le CNRS. Donc d'une certaine manière, l'histoire est une chose trop sérieuse pour être confiée aux politiques, hein, confions-la aux historiens. Ça revient sous la plume de Giscard, hein, cette idée que c'est aux historiens qu'on doit confier le soin de rédiger l'histoire. Et si on a encore une seconde, je voudrais quand même noter une inflexion à la fin de son mandat, là aussi. Hein, l'inflexion, c'est le moment où, en définitive, Valéry Giscard d'Estaing va faire sienne l'idée de patrimoine. Hein, c'est le premier, en définitive, à lancer la thématique du patrimoine. Hein, en 79, hein, il a un peu un retour sur cette vision d'un avenir marqué par le progrès, forcément positif. Hein, avec cette idée, hein, il le dit, mon sentiment a toujours été que la société de consommation n'était pas adaptée ni à la France ni aux Français. Elle est en train de détruire la France. Et ben voilà, au moins, voilà. C'est clairement dit, Patrick Garcia. Merci beaucoup. Hein, merci beaucoup à vous deux, Arnaud Benedetti. Je renvoie vers la revue politique et parlementaire et puis vers votre ouvrage Le coup de com' permanent. Et merci Patrick Garcia, les courants historiques en France, 19e, 20e siècle, et puis bientôt les présidents de la République et l'histoire. Et merci surtout de nous avoir montré, vu que nous fréquentons beaucoup les archives, qu'en fait, ces vieilles archives que nous entendions, nous pensions que c'était l'usure du temps et des bandes, mais pas du tout. En fait, c'était simplement la grêle. Il est l'heure maintenant de Le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce matin dans le journal de l'histoire, une histoire singulière entre le Brésil, l'Afrique et l'Europe. Le jury du prix du Sénat du livre d'histoire a voté mercredi 2 décembre et la gagnante est Charlotte de Castelnau-l'Étoile pour son ouvrage « Pascoa et ses deux maris » publié aux Presses universitaires de France. C'est en raison de cette bigamie que Pascoa Vieira comparaît devant le tribunal inquisitorial de Lisbonne en 1700. On en sait peu sur elle, son illettrisme, son parcours d'esclave transporté d'un maître à l'autre, exception faite de sa manière de se défendre face à ses juges. D'abord esclave en Angola, elle l'est encore au Brésil après sa déportation, où elle se marie une seconde fois alors qu'elle avait un époux bien vivant en Angola. L'objet central du livre, c'est le dossier de son procès, 7 années de procédure et 4 allers-retours entre les 2 continents de part et d'autre de l'Atlantique pour acheminer les documents nécessaires à sa conduite dans une affaire domestique qui pourrait paraître sans importance. C'est que l'affaire de Pascoa est érigée en affaire exemplaire à l'heure d'un rappel à l'ordre moral de la société esclavagiste. Actrice de son histoire pourtant contrainte par l'esclavage et l'Inquisition, elle déclenche une contre-enquête pour échapper à une condamnation trop lourde grâce à ses liens familiaux persistants. C'est son statut de baptisée qui lui donne ce droit, un procès dans les formes, une ambivalence amère du rôle de l'Église catholique qui consent à la réduction d'hommes et de femmes à l'état de force productive captive et leur offre les sacrements, leur ouvrant paradoxalement les droits qu'ils n'ont pas autrement. Oh, La sentence tombe et Pascoa est condamnée à 5 ans de prison. Elle est libérée au bout de 2 ans après une réduction de peine. Née en Angola, où elle vit ses 25 premières années, elle est punie et vendue comme esclave au Brésil, où elle se marie pour la deuxième fois. Une biographie et une enquête qui prennent les dimensions de l'Empire portugais, où les vies et les imaginaires sont étroitement contrôlés. Un espace gigantesque sur 3 continents, entre le sous-continent américain, l'Afrique et l'Europe, qui expose la connexion mondiale qui fonctionne déjà pleinement, avec ses lenteurs mais aussi avec une grande efficacité. Une micro-histoire très incarnée, écrite avec un goût du suspense prononcé, un récit bien mené avec ses péripéties et ses zones d'ombre. C'est ce qu'on appelle l'histoire où les esclaves sont des acteurs de leur propre histoire. On emploie le mot anglais « agency », hein, la capacité d'action des esclaves. Donc, prendre les esclaves comme des acteurs historiques et pas simplement comme des machines de travail ou comme des victimes, hein, mais aussi des gens qui ont été des acteurs de leur propre histoire. C'est en s'interrogeant sur la place du mariage des esclaves que Charlotte de Castelnau-l'Étoile a trouvé le dossier judiciaire de Pascoa. Une manière d'approcher au plus près la vie des esclaves si mal connue, si mal documentée habituellement, un moyen de les faire apparaître et, dans le cas de Pascoa, de les faire entendre. Oui, une lecture formidable. Et nous avions reçu dans le cours de l'histoire Charlotte Castelnau-l'Étoile pour parler au moment où elle avait reçu le prix lycéen de Blois. Donc c'est une émission à réécouter ainsi que le journal de l'histoire sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Viudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrin. C'est une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Les émissions de cette semaine consacrées à l'histoire de l'Arménie au carrefour des empires sont à réécouter et à écouter pour le podcast aussi sur le site franceculture.fr, le cours de l'histoire, et sur l'application Radio France. La semaine prochaine, à table, histoire des cuisines du monde. Le lundi, c'est ravioli chinois. Le mardi, c'est spaghetti antique. Le mercredi, c'est sushi, une tranche d'histoire. Et le jeudi, c'est méchoui et couscous aussi.